Pour la chandeleur. Je vais sauter avec l'appareil. Non, avec la spatule. Bah, nous aussi, on va y aller. Hein. C'est la chandeleur en France. Salut. Allez, manger des crêpes. Toutes ces pièces, c'est mes pièces quand j'étais payée par mon oncle. Il y a 40 quelques années, en fait. Bon, bah, je vais monter manger. Moi, je me sens pas bien. Non, mais on va manger là. La tête qui tourne, tout ça. Je sais pas si c'est le cachet qui est trop fort ou si c'est que j'ai la crème. C'est quelle heure? 9h? Non, pas encore. Oh non, c'est à peine. C'est même.